Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir s'il faut signer son compromis chez le notaire ou directement avec l'agence immobilière. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre la team Esprit Gagnant. Donc, faut-il ou non signer son compromis chez le notaire? Donc, si, imaginons que tu sois passé. Alors, si tu es passé directement avec un particulier, la question ne se pose pas. C'est assez rare de signer, vous pouvez le faire, mais c'est assez rare de signer sous seing privé dans ce cadre-là. Mais souvent, quand tu passes avec l'agent immobilier, il y a des agences qui vont te proposer de signer le compromis directement à l'agence. Je vais donner mon point de vue, tu sais qu'il est assez cash. C'est assez. Je dis exactement ce que je pense. Donc, est-ce que tu vas te faire couper les cheveux chez ton garagiste? Bah, là, c'est un petit peu sur principe la même chose. Ton agent immobilier, c'est un commercial qui t'a vendu un appartement. En aucun cas, sur le principe, il est notaire ou il a les compétences et les qualifications pour être notaire. Ensuite, voilà, si c'est pour acheter un petit parking, un petit box, un petit parking, pourquoi pas? Si c'est pour acheter quand même un appartement, vaut mieux passer chez le notaire. Tu passes directement chez le professionnel qui va avoir ton dossier de toute façon entre les mains ensuite. Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé et c'est véridique. Je suis passé une fois par les agents immobiliers. L'agent immobilier, il a oublié d'envoyer le dossier à l'un des deux notaires. J'ai perdu 2 mois puisqu'il y avait un notaire qui attendait l'autre notaire. L'autre notaire n'avait jamais reçu le dossier. Et du coup, ils s'attendaient tous. Et moi, entre-temps, j'envoyais toujours des mails en disant, vous êtes sûr que le dossier avance? Oui, ça avance, c'est de l'autre côté, tout se passe bien. Et 2 mois plus tard, il n'y avait rien qui avait avancé. Si j'étais passé directement chez le notaire, j'étais sûr que le dossier, il est avancé et que les notaires se soient mis en contact. Pour étudier le dossier ensemble. C'est pour moi maintenant une évidence. L'agent immobilier, c'est ton meilleur partenaire si tu trouves le bon agent. Il y en a, c'est pas, ça court pas les rues, mais il y a des très bons agents immobiliers et c'est ton meilleur partenaire dans ta team pour te trouver des bonnes affaires. Il y a aucun souci là-dessus. Par contre, derrière, est-ce que tu signes chez lui? Alors que c'est plutôt le travail d'un notaire. Non, tu vas chez le notaire, tu te déplaces chez le notaire, tant pis, hein, si c'est un peu plus loin. Mais tu fais faire les choses par les personnes qui s'y connaissent le mieux pour le sujet. Voilà, c'est une rapide vidéo pour donner mon point de vue parce que c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois et je voulais vraiment vous donner clairement ce que je pense là-dessus par rapport à mon expérience. Et il faut, pour moi, séparer les choses. L'agent immobilier, c'est un commercial. Tu l'utilises comme un commercial pour qu'il te trouve des affaires qui vont te permettre d'avoir une rentabilité de fou et d'aller vers l'indépendance financière. Et le notaire, il te permet de blinder juridiquement ton dossier. Voilà, on ne mélange pas les rôles, chacun son rôle. Donc voilà, si tu as aimé en tout cas cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un gros like. Pour te remercier de l'avoir vu jusqu'à la fin, j'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Je te propose de la télécharger. Tu trouveras le lien au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu me mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. N'hésite pas à partager ma chaîne, cette vidéo, à des gens, des amis qui sont intéressés par l'investissement immobilier, qui veulent devenir des investisseurs rentables, dès lors qu'Esprit Gagnant est là pour eux. Hein. Je suis là pour vous délivrer le maximum de contenu pour que vous deveniez des investisseurs rentables et que vous passiez à la vitesse supérieure. Donc, en tout cas, d'ici la prochaine vidéo, voilà, va voir les annonces, va faire des visites, fais des offres, kiffe la vie et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!